Ouais, R.O.D. Aujourd'hui mon frère, y'a trop de rêves à atteindre. Y'a trop de merde, trop de galères, on peut pas le faire sans gêne. Certains rêvent de flingue, c'est pour ça que je viens me plaindre. Tous dans la même merde, tous piqués par la même épingle. Certains rêvent de pas être vieux, d'autres d'être heureux. D'autres de l'euro et de son grand E alors qu'on pointe la NPE. Certains rêvent de paix, de joie et de partage. Ces gens sont au chômage et peuvent pas se payer le chauffage. On roule en Merco sous Jaguar, capital 20 millions de dollars. Et on n'est pas capable de donner une pièce à ce clochard avec des gens pareils. On méprise notre éveil, on en oublie nos rêves. Et on repart dans notre sommeil, frère, bats-toi et avance avec une énorme carence. Car quand on se plante de sens, c'est dur de retrouver les bons pas de danse. Alors vivez vos rêves, battez-vous pour y arriver. Ici c'est marche ou crève, méprisez ces sales idées. Faut vivre ses passions, passe les foutre au cou. Arrêtez de péter les plombs, arrêtez de devenir fou. Tout est possible, faut le croire, faut le vivre. L'espoir, faut le voir, le suivre, y croire. Nos rêves, la vie, faut la vivre. Dans ce monde trop crevard, beaucoup de gens perdent espoir. Mes rêves, je les fais dans le noir. Jusqu'au bout, je veux y croire. Dans ce monde trop de crevards, beaucoup de gens perdent espoir. Mes rêves, je les fais dans le noir. Jusqu'au bout, je veux y croire. On nous empêche d'atteindre nos rêves. Certains préfèrent et même qu'on crève. Qu'on baisse la tête devant leurs règles. Alors vita, vis vite ton rêve. Certains cherchent leur voie, l'ont trouvé mais n'avance pas. Certains cherchent encore et baisseront jamais les bras. Combien rêvent d'une belle voiture, d'une vie moins dure, d'un avenir sûr, d'une vie plus pure. Et combien cherchent à sortir de leur armure. Combien rêvent d'une vie meilleure, d'une vie moins macabre. Pourquoi ces gens pleins de cœur sont transformés en cadavres. Pourquoi quand t'es seul tu doutes. Pourquoi tu manges le pain et pas sa croûte. Pourquoi quand tu veux aller loin on s'amuse à te barrer la route. Vis tes rêves avance, accroche-toi à la vie. Et n'écoute pas ceux qui pensent que t'as un mauvais esprit. N'aie pas peur d'atteindre ton rêve même s'il est immense. Pas peur de faire des choix même si c'est de la démence. On avance dans le bon sens et nos rêves on mène la danse. On se rapproche, on s'accroche, moi je vis ma vie pour tous mes proches. Alors que le rêve de certains c'est de briser les tiens. Certains veulent le rêve des autres et s'en lavent les mains. J'essaye de travailler les flots, de tout péter derrière le micro. J'essaye de faire comprendre au monde que je veux pénétrer vos cerveaux. Battez-vous, avancez, arrêtez de baisser les bras. Avoir la tête sur les épaules, gardez confiance en soi. On vit nos rêves, on vit nos vies, même si ça plaît pas. Crois-moi frère, je crois que jamais on s'arrêtera. Dans ce monde trop crevard, beaucoup de gens perdent espoir. Mes rêves je les fais dans le noir. Jusqu'au bout je veux y croire. Dans ce monde trop crevard, beaucoup de gens perdent espoir. Mes rêves je les fais dans le noir. Jusqu'au bout je veux y croire. Tout ça pour dire que faut se battre, penser à passer à l'acte. Savoir jouer les bonnes cartes tout en restant intact. Tout le temps rester intact, ressens bien mon impact. Ressens tous les contacts, je sens que la vie nous taxe. Alors je crie qu'il faut vivre sa vie, recentrer son esprit. Se battre pour vivre ses rêves en affrontant le mépris. La vie est rude, faite de coups durs. Dans la merde y'a pas de censure, mais tu es le seul maître à bord. Et ça moi j'en suis sûr, crois que la vie a plein dents. Savoure chaque instant, vis tes rêves, des bons moments. Apprends à vivre l'instant présent, reste fort mon frère. Et avance sur le bon chemin, la vie est tellement chère. Pourquoi se salir les mains, vis tes rêves mais légalement. Je te le dis également, explique-moi à quoi ça sert de faire couler tellement de sang. Bats-toi, tu trouveras ton rêve au bout du compte. Crois-moi mon frère, n'aie pas peur d'affronter le monde. Dans ce monde trop crevard, beaucoup de gens perdent espoir. Mes rêves je les fais dans le noir. Jusqu'au bout je veux y croire. Dans ce monde trop crevard, beaucoup de gens perdent espoir. Mes rêves je les fais dans le noir.